الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بينما الناس في كرب عظيم بعد البعث والحشر حفاة عراة غرلا على أرض بيضاء تدنو الشمس من الخلق في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمهم العرق ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه ويكرم الله عز وجل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة بحوض الحوض المورود طوله شهر وعرضه شهر يصب فيه مزابان من نهر الكوثر في الجنة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك آنيته كنجوم السماء عدداً ووصفاً ولمعانا من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا وروى مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقول أو فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا كل من ارتد عن دين الله وأحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين من الحول وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم فهؤلاء كلهم مبدلون وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله والمعلنون بكبائر الذنوب والمستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والبدع ثم الطرد قد يكون في حال ثم يقربون أو يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. انتهى كلامه رحمه الله. جاء عند الترمذي من حديث ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوض، إن لكل نبي حوضا. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليهم. فيجتمع في عرصات القيامة الخلائق كلهم منتظرين حكم الله تعالى الملك الحق فيهم، فلا يأتي. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم بهم الكرب اشتشفعوا بأبيهم آدم عليه السلام، كما صح ذلك عند البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترون إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى أو اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى بن مريم عليه السلام، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب قد بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فانطلقوا صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا، فأقع ساجدا إلى ربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علي على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فما أرفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفع فينا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, alors que les gens seront ressuscités, rassemblés sur une seule et même place blanche, amenés à comparaître devant Allah le Seigneur des mondes, ils seront nus, pieds nus, non circoncis, dépouillés de toute richesse. C'est alors qu'on approchera d'eux et de l'ensemble des créatures le soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les gens, ou bien on approchera le soleil des créatures à la distance d'un mille. La distance d'un mille, un mille c'est soit le bâtonnet qui sert à mettre le kuhul dans les yeux, donc à cette distance-là, soit la mesure. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront couverts de sueur en fonction de leurs œuvres. Certains auront la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, et d'autres encore jusqu'à la bouche, et d'autres se noieront. Et il a fait un geste ainsi. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne qu'Allah azza wa jal lui a accordé le bassin, el-hawd. Il nous dit également, chaque prophète aura un bassin. Il nous dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam, pour nous le décrire, mon bassin s'étend sur une distance de un mois. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur plus parfumée que le musc. Ses récipients sont comme les étoiles du ciel. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Allah subhanahu wa ta'ala va donc honorer l'ensemble de ses prophètes. Et ils auront donc un bassin. Mais le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, sera le plus beau, le plus resplendissant, le plus grand, le plus splendide. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a deux arrivées d'eau qui émanent du paradis. Cette arrivée d'eau émane du paradis et elle se déverse dans son bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme Anas ibn Malik rapporte, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assoupi, puis il se réveilla en souriant, il releva la tête en souriant, puis dit aux compagnons, on vient de me révéler une sourate du Coran. Puis il a récité, selon la traduction des sens de ces versets, certes nous t'avons accordé Al-Kawthar. Savez-vous ce qu'est Al-Kawthar? Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc dit, c'est un fleuve que mon Seigneur m'a accordé au paradis. Il renferme énormément de biens. Puis il a mentionné Al-Hawd et le bassin qui sera sur la place du jugement dernier. Il a dit, les gens de ma communauté seront amenés à passer par ce bassin et ils pourront en boire. Le nombre de ces récipients est semblable aux étoiles et certains en seront repoussés. Et je dirai, ô mon Seigneur, ce sont des membres de ma communauté. Et on lui dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nous dit, nos savants ont dit, tous ceux qui ont fait volte-face devant la religion d'Allah et tous ceux qui ont innové dans la religion d'Allah ce qu'il n'agrée pas et ce qu'il n'a pas permis seront virés du bassin et repoussés et éloignés. Et ceux qui seront le plus éloignés sont ceux qui ont innové dans la religion et ont fait scission avec le groupe des croyants, la communauté, à l'image des khawarij, des terroristes, des khawarij, ceux qui rendent mécréants les croyants par tout grand péché, à l'image des rawafid, ceux qui ont fait scission avec les compagnons et ont dénigré les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui insultent Abu Bakr, Omar et d'autres membres de la communauté, à l'image d'El Mu'tazila, ceux qui ont renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'ont pas dit ce qu'ont dit les compagnons sur le destin, et l'ensemble de ces différentes voies seront rejetées du bassin. Tous ceux-là ont innové et ont altéré la religion d'Allah. Également, il y aura les injustes, ceux qui s'attachaient à couvrir la vérité et à humilier les gens de la vérité. Pareillement pour ceux qui commettaient les grands péchés en public sans se cacher, ceux qui minimisaient la désobéissance d'Allah, le groupe des pécheurs qui sont tombés dans l'innovation, tous ceux-là seront virés du bassin et éloignés. Ils seront éloignés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut que ceux qui avaient des grands péchés dans les actions et non dans la croyance soient rejetés pour un temps déterminé, puis après un pardon accordé par Allah Azza wa Jal, ils puissent y avoir accès. Alors que les gens seront réunis à la place du jugement dernier, et qu'Allah Azza wa Jal aura réuni l'ensemble des gens, ils attendront le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il tardera. La situation sera très pénible pour l'ensemble des gens. Ils resteront debout 50 000 ans, un jour qui durera 50 000 ans. Ils seront dans la difficulté, ils seront dans l'affliction. Alors ils vont se dire mutuellement, allons voir une personne qui pourra intercéder en notre faveur auprès d'Allah. C'est-à-dire ils vont chercher une personne qui intercédera auprès de chez Allah, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Après cette attente interminable, comme l'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Huraira, ils iront voir, ou plutôt le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, je suis le meilleur des gens, je serai le meilleur de la création, ou le meilleur des gens, le jour de la résurrection. Savez-vous pourquoi? Allah rassemblera l'ensemble des gens, les premiers et les derniers, sur une seule et même place. Le soleil sera rabaissé au-dessus des têtes. Les gens tomberont dans un chagrin profond et une grande affliction. Ils ne supporteront plus cela. Alors ils se diront mutuellement, ne voyez-vous pas notre état? Cherchons donc une personne qui pourra intercéder en notre faveur auprès de votre Seigneur. Ils se diront mutuellement, allons voir Adam alayhi salam. Puis ils se rendront auprès de lui. Ô Adam, tu es le père de l'humanité. Allah t'a créé de sa main. Et il t'a mis son âme, c'est-à-dire une âme qu'il a créée anoublie. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation? Ne vois-tu pas ce que nous avons atteint comme difficulté? Adam leur répondra, écoutez bien. Certes, votre Seigneur est aujourd'hui dans une colère dans laquelle il n'a jamais été, dans laquelle il ne sera jamais plus après. Et il m'avait interdit d'approcher cet arbre et de le consommer, mais je lui ai désobéi en cela. Nafsi, nafsi, nafsi, je peux m'occuper que de moi. Je ne peux m'occuper que de moi. Je ne peux m'occuper que de moi. Rendez-vous auprès d'une autre personne. Allez voir Nuh. Ils iront voir Nuh. Oh Nuh, tu es le premier messager envoyé aux gens de la terre. Allah t'a nommé serviteur reconnaissant. Ne vois-tu pas notre situation? Ne vas-tu pas intercéder auprès de ton Seigneur en notre faveur? Il leur répondra la même chose que Adam. Votre Seigneur est dans une colère dans laquelle il n'a jamais été, dans laquelle il ne sera jamais plus. Et certes, j'avais une invocation exaucée, je l'ai utilisée contre mon peuple. Je ne m'occupe que de moi, que de moi, que de moi. Allez voir autrui. Rendez-vous auprès d'Ibrahim. Ils iront voir Ibrahim. Oh Ibrahim, tu es le père des prophètes. Ou plutôt, tu es le prophète d'Allah. Celui qu'il a aimé au plus haut niveau parmi les gens de la terre. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation? Ne vois-tu pas ce que nous avons atteint comme difficulté? Il leur répondra la même chose. Puis il dira, j'ai prononcé trois mensonges pour la cause d'Allah. Rendez-vous donc auprès de Moussa. Ils iront voir Moussa alayhi salam. Oh Moussa, tu es celui qu'Allah a préféré ou a élevé de par son message. Et il t'a parlé de vive voix. Intercède auprès de nous, auprès de ton Seigneur en notre faveur. Ne vois-tu pas notre situation? Il leur répondra la même chose quant à la colère d'Allah. Puis il leur dira, j'ai assassiné une personne sans en être en droit de le faire. Puis il leur dira, rendez-vous auprès de Isa, le fils de Maryam. Ils iront voir Isa, le fils de Maryam, alayhi salam, et lui diront, ô Isa, tu es le messager d'Allah. Et sa parole, insufflée ou mise en Maryam, et une âme émanant de lui, c'est-à-dire qu'il a créé, tu as parlé aux gens alors que tu étais encore au berceau. Intercède auprès de ton Seigneur en notre faveur. Ne vois-tu pas notre difficulté, ce que nous avons atteint? Il leur répondra la même chose quant à la colère d'Allah. Il ne mentionnera pas de faute et leur dira, allez voir autrui. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se rendront donc auprès de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui diront: ô Mohammed, tu es le dernier des prophètes. Ô Mohammed, tu es le dernier des prophètes. Allah t'a tout pardonné, les fautes passées comme les fautes futures. Intercède en notre faveur auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas notre situation et ce que nous avons atteint? Puis le prophète alayhi salat wa salam nous dit: alors j'irai sous le trône et je tomberai prosterné devant mon Seigneur. Puis Allah m'enseignera et me facilitera des éloges que je ne connais pas actuellement. Personne n'a jamais fait les éloges d'Allah ainsi. Puis on me dira: ô Mohammed, relève la tête. Ô Mohammed, relève la tête, demande, on t'accordera, intercède, tu seras exaucé. Alors je releverai la tête et je dirai: ô mon Seigneur, ma communauté. Ô mon Seigneur, ma communauté. Ô mon Seigneur, ma communauté. Alors on me dira: ô Mohammed, fais entrer parmi les gens de ta communauté. Ô Mohammed, fais entrer parmi les gens de ta communauté une partie qui n'aura pas de jugement. Allahu Akbar. Des gens de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entreront au paradis sans jugement. Fais-les entrer par la porte droite parmi les portes du paradis. Seuls ces gens-là pourront y entrer, puis ils seront associés aux autres gens pour les autres portes. Voici la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici la station élogieuse qu'Allah azza wa jal a accordée au prophète Mohammed. C'est le meilleur de l'humanité. C'est le meilleur de la création. Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans son noble livre. Lorsqu'il nous dit azza wa jal: wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Puis mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque prophète a une invocation exaucée. Quant à moi, je l'ai réservé pour le jour de la résurrection et je l'utiliserai en tant qu'invocation et intercession pour ma communauté le jour dernier. Et elle touchera, si Allah le veut, tous ceux de ma communauté qui seront morts sans avoir commis le shirk, sans avoir commis de polythéisme. Voici la deuxième intercession. La première, c'est Shafa'atul Kubra pour l'ensemble des gens. Et cette deuxième, c'est Shafa'a li ummati, son intercession pour les grands pécheurs de sa communauté. Allah Azza wa Jal donne la permission. Allah Azza wa Jal agrée celui pour qui on veut intercéder. Et celui pour lequel on veut intercéder doit être décédé sur l'islam. Si ces trois conditions sont réunies, alors la personne pourra recevoir l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. Et pour finir, après le hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa sallam dit: shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati, j'intercéderai en faveur des grands pécheurs de ma communauté. Sachez que celui qui n'a pas la ilaha illallah ne recevra pas l'intercession. Et il ne pourra pas boire du bassin du prophète alayhi salat wa salam. Abu Hurayrah radiallahu anhu a demandé au prophète alayhi salat wa salam: ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Qala as'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ô messager d'Allah, qui sera le plus endroit, le plus heureux à ton intercession le jour dernier? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Abu Huraira: celui qui aura dit la ilaha illallah avec la sincérité dans son cœur. La ilaha illallah est la plus grande cause pour obtenir l'intercession. Quant à ceux qui n'auront pas cette parole, quant à ceux qui n'auront pas cette tawhid, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Ibrahim rencontrera son père Azar le jour dernier. Il y aura sur son visage de la poussière et de la noirceur. Il lui dira: ô Ibrahim, aide-moi. Alors Ibrahim alayhi salam dira à son père: ne t'avais-je pas dit de ne point me désobéir? Il lui dira: aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Alors Ibrahim alayhi salam s'adressera à son Seigneur Azza wa Jal: ô mon Seigneur, tu m'as certes promis de ne pas m'humilier le jour des comptes, le jour de la résurrection, et qu'aime l'humiliation plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. Alors Allah Azza wa Jal, ou alors on dira à Ibrahim alayhi salam, regarde à tes pieds, que vois-tu? Et Ibrahim regardera à ses pieds, et il verra une hyène tachée de sang qui sera saisie par les pattes et jetée en enfer. Ça sera son père représenté à l'image d'une hyène. Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman, n'aura pas pu être profitable et utile à son père. Pourquoi, cher frère? Car il n'est pas rentré chez Allah Azza wa Jal. Il n'est pas retourné vers Allah Azza wa Jal avec la ilaha illallah. Cette parole par laquelle Allah sauve ses créatures. Cette parole pour laquelle Allah nous a créés. Cette parole sur laquelle il nous faut vivre. Cette parole sur laquelle il nous faut mourir. Cette parole avec laquelle il nous faut être ressuscité. Celui qui a cette parole avec sincérité yawm al-qiyamah, il recevra l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا اللهم اشف أولادنا يا رب العالمين اللهم اشف أمهاتنا اللهم اشف آباءنا اللهم اشف أم عبد الله اللهم اشف أم عبد الله اللهم ارحمها اللهم ارحمها يا رب العالمين اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا وللمسلمين وللمسلمات وللأحياء منهم والأموات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كم vous l'avez entendu إخواني الكرام il y a le projet de l'élévation de la mosquée. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde dans cela la sincérité et qu'il mette à la tête les meilleurs d'entre nous et qu'il nous aide à dépenser pour sa cause et élever cette mosquée. On vous demande de dépenser et de dépenser à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le jour dernier, Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors qu'il aura rapproché le soleil d'au-dessus des têtes, il va mettre une ombre qu'il aura créée et sous cette ombre, il y aura certaines personnes parmi eux, ceux qui ont fait une aumône très sincère. On demande à Allah Azza wa Jalla la sincérité. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.